يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Donc le prophète a dit, le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'à la fin on soit le paradis. إذن كنا تكلمنا عن تفسير آيات قرآنية باش يستفيد الإنسان بمعنى هذه الآيات، وأن القاعدة لا يجوز إنسان يفسر القرآن برأيه. إذن من هذه الآيات قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. معناها الفتنة أشد من القتل، أي الشرك بالله، هذا معناها. الشرك بالله أشد من قتل النفس، هذا معنى الآية، وليس مجرد غيبة أو نميمة. النميمة إيقاع الفتنة بين اثنين أو أكثر، هذا لا يكون أشد من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأنه ثبت في الشريعة الإسلامية أدلة أنه أشد الذنوب بعد الكفر بالله بما فيه الشرك هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعد ذلك الزنا. Donc qu'est-ce que ça veut dire الفتنة أشد من قتل؟ Parmi les versets qu'on explique, ça veut dire fitna ici c'est tuer, que Allah a interdit de tuer. Fitna c'est shirk qui est plus grave que l'âme que Allah a interdit de tuer. Donc fitna ici c'est shirk qui est plus grave que l'âme, de tuer l'âme que Allah a interdit de tuer. C'est ça fitna tu ashad min al-qatl. Fitna ça a plusieurs sens. Ici ça vise pas le fait juste de faire les discordes entre les gens. Namima, rapporter la parole entre les musulmans pour faire la discorde, c'est un péché. Mais ce n'est pas plus grave que tuer les musulmans. Donc, tuer les musulmans, c'est plus grave. Donc, le fitna ici, c'est shirk. Fitna, fiddin, dans le tafsir, c'est shirk. Qui est plus grave que de tuer. Parce qu'il y a des gens qui te citent le verset où le fitna doit se donner. Il faut des gens qui disent. Ils se disputent, ils disent le fait de l'intouacher de mon qatal, alors que non. Ici, ce n'est pas son contexte. Le contexte, c'est c'était révélé donc dans un contexte, puis c'était au sujet des mécréants et tout, qui ont blâmé des musulmans, qui ont combattu pendant des mois sacrés. Donc, Dieu a révélé le verset pour montrer c'est la mécréance sur laquelle vous êtes, c'est plus grave que de tuer. Le fait là, ici, c'est le fait shirk. Qui est plus grave que tuer. C'est ça que ça veut dire. Parce que dans le Coran et le Hadith, il y a des règles qui montrent que le plus grave, c'est la mécréance, y compris shirk, qui fait partie d'une sorte de mécréance. Après, tuer l'âme qu'Allah a interdit de tuer, après, c'est la fornication. Donc, il y a le Hadith, le Rasul alayhi wa sallam, قال, le Hadith, سألهم صحابي أي الذنوب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تشرك بالله قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو خشية الفقر في روايات قال ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك. Donc dans un hadith, un compagnon il demande au prophète عليه الصلاة والسلام: c'est quoi le plus grand péché? Il a dit que tu associes à Dieu. Et après il a dit c'est quoi? Il a dit que tu tues ton fils de peur qu'il mange avec toi à cause de la pauvreté, dans une autre version. Et après il a dit c'est quoi? Il a dit que tu fasses la fornication avec la femme du voisin. En fait c'est des exemples, en fait ce qu'il a donné le prophète, qu'il fasse la fornication avec la femme du voisin ou n'importe quelle femme, c'est le grand péché. qu'il tue son fils ou sa fille, c'est un grand péché. Et qu'il fasse du shirk ou qu'il se moque du prophète, c'est des différentes sortes de mécréances, c'est de la mécréance. Mais des mécréances plus graves que d'autres. L'athéisme, c'est une mécréance. Shirk, c'est une sorte de mécréance aussi. Mais l'athéisme, nier l'existence de Dieu, c'est plus grave. Mais dans tous les cas, celui qui meurt mécréant, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais il y a des mécréances plus difficiles que d'autres. Et donc, le shirk, c'est Nawa. Donc, le shirk, ou le ta'til, il y a un Allah, c'est Nawa, c'est قتل الولد أو قتل البنت لكن هنا الرسول أعطاه مثال بعد قال أن تزاري بحل رجالك بالتنبيه donc ici pour mettre en garde sur des pratiques mais la règle يعني قاعدة في الشرع هي العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. Ce qui est pris en compte, c'est la généralité du terme, ce n'est pas la spécificité du contexte. Et donc, c'est ce que j'ai dit au Shara. Il n'y a pas de mukhalafa de ce que j'ai dit. Il n'y a pas de mukhalafa de ce que j'ai dit. Il n'y a pas de mukhalafa de ce que j'ai dit. Il n'y a pas de من الكبائر لكن ليس أشد من الزنا الربا ليس أشد من الزنا. Donc le gain usuraire, la gravité du péché du gain usuraire, ça vient après. C'est pas comme certains bled, des fois certains te disent que gain usuraire c'est plus grave que des fornications. C'est faux, complètement faux. Vraiment, c'est, ils disent vraiment des choses n'importe quoi. Ils disent un peu de riba, c'est plus grave que la fornication. C'est un grave péché, le riba, ça vient après la fornication. Mais c'est pas plus grave que la fornication, la gain usuraire. Le riba, min al kaba'ir. Annahu, yani, kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Qala al-Rasul alayhi sallatu wassalam, kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Yani, kullu qard fi ishtirat jarra manfa'a fa huwa riba. Donc, tout prêt où les conditions ont intérêt. Alors c'est un gain usuraire. Et donc, معنى والفتنة أشد من القتل أي الشرك أشد من القتل. الشرك أشد من القتل. هذا معناه. الشرك بالله تعالى هو أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل. ici سبزية. Le shirk qui est plus grave que tuer l'âme, que Allah interdit de tuer. Et donc, في نفس السياق نذكر الآية. ما معنى الآية؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين. ثلاثة تفاسير لهذه الآية. ثلاثة تفاسير. التفسير أول معناها الله هو اللي يغير القلوب. الله هو الذي يغير القلوب. لا أحد يستطيع أن يغير القلوب إلا الله. يعني النبي كان عليه بالدعوة والبيان والحق ولكن الله هو اللي يغير القلوب. هذا تفسير. Donc le verset la ikra fi din aussi on a expliqué ils ont dit les savants il y a trois tafsirs. Un tafsir c'est il y a que Dieu qui peut changer les cœurs, ni le prophète ni ne peut changer les cœurs des gens, il y a que Dieu qui peut changer les cœurs des gens. Ça c'est un tafsir. Tafsir thani قالوا معناها لا تكره اهل الذمه اذا يدفعوا المال. كانوا بل يدفعوا المال للرسول أهل الذمة يهود النصارى يعني لا يكرههم ما داموا يدفعون الجزية والآخرين كان يكرههم يعني كان القتال وغيرها معروف هذا. Deuxième tafsir, c'était à l'époque du prophète, il y avait les gens qui étaient payés jizya, ils ne les obligeaient pas à entrer en islam. C'est le deuxième tafsir, les gens du livre, qui se réclament du livre, parce qu'en réalité ils ont falsifié le livre, c'est ça que ça veut dire les gens du livre. Al-kitab, ala alladhina yantasibuna ila al-kitab, wa la muharrafu al-kitab. والتفسير الآخر هو كان قبل نزول آية القتال. قبل نزول آية القتال كان على الرسول أن يدعو فقط، ثم نزلت آيات القتال فكان يغزو لينشر الدين. هذا التفسير الثالث. وإلا لا أحد ينفي أن الرسول غزا لنشر الإسلام بالقوة، هذا في القرآن، الرسول غزا لنشر الإسلام بالقوة، والصحابة فعلوا، معروف خالد بن الوليد ماذا فعل، لأنه أعطاه مثال علماء، عندك ولدك باش يسقط ما السابع طاقة باش يطيح في النار، أليس تأخذه بالقوة لتمنعه من شيء أشد منه من الموت، ولا تأخذه بالقوة تؤلمه لكن لتمنعه من هو أشد، تنجيه من هو يعني ألم أشد. فلهذا كانوا يغزون حتى الناس تخاف وتدخل يعني للإسلام الذي هو مفتاح الجنة. وهذا الذي ورد عن الذين يجرون إلى الجنة بالسلاسل، هذوما بالغزو وكذا خافوا ودخلوا الإسلام وربحوا، يجرون إلى الجنة بسلاسل. إذن لا ينكر منافع هذه الأوامر الإلهية إلا واحد جاهل. هم الكفار حاربوا للمال والدولة وكذا والثروات، مسلمون لنشروا الدين حتى الناس تمنع تنجو من النار. هذا فائدته إذا إنسان يسأل. Donc, bien sûr, le prophète il a propagé l'islam, ils ont fait les conquêtes, ça c'est connu, les compagnons. Et donc, comme l'exemple qu'ont donné les savants, c'est comme si quelqu'un il a son fils, il va mourir, et bien, il va tomber d'en haut, il va lui faire mal, même pour l'éviter un mal plus grave. Il va même le prendre de force pour éviter qu'il tombe dans le feu, de l'eau chaude tombe sur lui, qui tombe d'en haut. Il va le tirer même de force, même par ses cheveux, pour éviter un mal plus grave. C'est pour cela, les compagnons, ils ont propagé la religion, ils ont fait les conquêtes, le prophète aussi, et ça, c'est connu. C'est pas pour les richesses mondaines ou l'or. C'était pour propager la vérité, pour que les gens évitent l'enfer. Donc, هذا معنى لا إكراه في الدين على ثلاثة تفاسير. مش معناها ليس معنى الآية أنه الصحابة ما كانوش يفرضوا الإسلام بالقوة، كانوا يفرضوا الإسلام بالقوة الصحابة. خالد بن الوليد كان مشال الفرس، اللهم يعني أمر نبينا أن نقاتلكم حتى تسلموا، والآية واضحة لا يمكنها إلا جاهل. فالله أمر فرض الدين هذا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فرض الإسلام هو. ما معنى الآية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ما معنى هذا يسمونه التهديد، معناه من يكفر سيناله هذا. معناش معنى تخيير، مثال ولدك في كسر شيء تقول له كسر، ماشي معناها ان فعلت سترى ما سيحصل لك من العقاب، يعني لو عملت تشوف شنو يصير لك من العقاب. إذن فرض الاسلام، والصحابه نشروا حتى الاسلام بالقوه. الله قال الرسول قال مره انكم منكرا فيغيروا بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وأكبر المنكرات هو الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. Donc bien sûr, les compagnons, ils ont propagé cette religion, ils ont obligé les gens donc à suivre cette religion parce que Dieu a obligé. Donc c'est pas pour l'argent, pour le pouvoir. Donc ça c'est connu et c'est dans le Coran. إذن رأينا كذلك معنى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، مش معنى الله سيتعلم، إنما حتى يظهر للخلق من هو الصابر من غير الصابر، ليميز الله الخبيث من الطيب. أما قبل من يوجد هذا العالم الله يعلم، لأن الله لا يجري عليه زمان، يعلم من هو الصابر من غير الصابر، الله يعلم ذلك. الله تعالى يعلم كل شيء قبل حصوله، لا يخفى عليه شيء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. Ici ne veut pas dire que Dieu, ce qu'on a vu hier, ne veut pas dire que Dieu, il ne sait pas, il va savoir. Non. Ça veut dire pour manifester aux gens qui est bon, qui n'est pas bon. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu, il sait toutes choses avant qu'on arrive. Ilmullah la yazid wa la yanqus. Allah alim bi kulli shay. كذلك الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ما معناها؟ معناها حصل التخفيف الآن وعلم بعلم أزلي بلا بداية. مش معناها ما كانش يعرف ولا يعرف، هذا كفر شرك. يقول ربي ما كانش يعرف وبعد يعرف، هذا جعل الله كالمخلوق الذي يتغير مخلوق. إذن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أي وقع التخفيف الآن وعلمه الأزلي أنه فيكم ضعف. Donc aussi le verset الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن ici ça veut dire Dieu a allégé pour vous un ordre, en fait un ordre, il a allégé un ordre. Et il sait de toute éternité qu'il y aura une faiblesse parmi vous. Ça ne veut pas dire qu'il a allégé maintenant parce qu'il a su maintenant. Ben non, celui qui sait après ne pas avoir su, c'est qu'il est créé, a besoin de qui le fait changer d'un état à un autre. Celui qui change, donc c'est une créature. Dieu ne change pas. Donc Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Dieu, il sait toutes choses avant qu'on arrive. Dieu ne dépend pas du temps. Allah taïsa kamithlihi shay. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc Allah, rien n'est tel que lui, et il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de semblable, subhanahu wa ta'ala. Min al-ayat kadhalika قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. إذن ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ معناها يهدي لنور الإيمان. يهدي من أسماء الله النور، من أسماء الله النور، مش معناها الضوء. الله قال وجعل الظلمات والنور، معناها خلق النور والظلام. إذن نور السماوات معناها هادي أهل السماوات اللي هم الملائكة للإيمان، وبعض أهل الأرض من إنس وجن إلى نور الإيمان. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. إذن الله نور السماوات والأرض، أي يهدي لنور الإيمان. الإيمان نور، الهداية نور، هذا معنى الله نور السماوات والأرض. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول القرآن إما حجة لك أم عليك. إما حجة لك أم عليك. الله جعل القرآن متشابه حتى الإنسان الذي العالم والإنسان يتبع العالم بالدليل وليفسر مع دليل وكذا يكون عنده أجر، وأما الذي اتبع هوى النفس يكون عليه وزر. دونك الله نور السماوات والأرض سأفديه كوا نور par le nom de Dieu, il y a un nour. Ça ne veut pas dire la lumière. Non, ça veut dire Dieu guide vers la lumière de la foi. Dieu guide. Yahdi Allahu li nuri man yasha. Dans le Coran, c'est dit Yahdi Allahu li nuri man yasha. C'est-à-dire Dieu guide vers la lumière de la foi. Dieu guide vers la lumière de la foi. Donc, c'est, Dieu a fait que le Coran comporte. Donc, déjà, c'est une richesse dans la langue arabe, parce que c'est le plus haut niveau de la rhétorique. Et puis, c'est comme ça, celui qui fait l'effort, le savant du moins, et les gens qui suivent les savants, qui fait l'effort, qui font l'effort d'interpréter, de chercher la preuve, etc., de prendre le recul nécessaire pour interpréter le Coran avec un sens convenable selon les règles de la religion, selon les règles de la raison, de la langue arabe, ils ont un effort, ils ont une récompense pour cet effort-là. C'est ça la sagesse. Et celui qui va aveuglément et prend le mauvais sens, il va, c'est une cause pour qu'il s'égare. C'est pour ça que le prophète il a dit, le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. Le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. C'est une preuve ou pour toi ou contre toi. Donc ça veut dire, si tu ne suis pas les règles, tu t'égares. Donc il y a des règles à suivre. Comme on l'a dit, le Coran ne contredit pas la raison, ni les autres versets, et ne contredit pas les règles de la langue arabe. Parce qu'aussi, il y a, donc on verra, donc, il y a dit, fa'ala, yani, al-ijtihad, al-matloub, bi'an a'ta al-aya ma'nan, la yukhalif al-ayat al-ukhra, wa yuwafiq al-lugha al-arabiyya, wa yuwafiq al-aql, hadha 'indahu al-ajr. Lan labudda yuwafiq hadhihi al-qawa'id. لأنه أحيانا في أشياء أحيانا كذلك واضحة وبعض الناس يؤولونها للهوى وهي واضحة، فليس دائما التأويل وليس دائما ترك التأويل، تأويل بقواعد. في أشياء واضحة أحيانا وبعض الناس يؤول. مثال في أشياء عن تحريم الخمر واضحة وبعض الناس يقول لك لا، فهنا عليه وزر. الذي يؤول في غير محله عليه وزر، والذي يترك التأويل مع أنه يجب التأويل عنده وزر. لكن يجب أن يكون هناك إكستريم من آخر. Des fois, il ne faut pas faire une interprétation. C'est le sens, il est clair. Et là, ils vont interpréter comme des versets qui montrent l'interdiction de l'alcool ou d'autres versets clairs, par exemple, sur un sujet. Ils vont interpréter sans raison. Donc, ce n'est pas bon d'interpréter sans raison, sans preuve, et de délaisser l'interprétation qu'il faut. Ce n'est pas bon aussi. C'est pour ça que les sunnites, c'est juste le mieux. Al-sunna wasat. Yu'awiluna bidalil. القاعدة ما هي؟ قالوا العلماء لا يجوز التأويل إلا لدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. هكذا الدليل يكون إلا بدليل عقلي أو دليل قرآني أو حديث. Donc la règle qu'ils disent les savants, on interprète que s'il y a une preuve catégorique selon la raison ou une preuve confirmée selon le texte. Donc ils vont interpréter parce qu'il y a un autre verset qui pousse à l'interpréter ou un autre un hadith ou il y a une preuve rationnelle, il faut qu'on interprète par un sens second. Ils ont des règles. Ce n'est pas ceux qui interprètent tout. Ils vont délaisser même des sens clairs. Et ce n'est pas ceux qui délaissent complètement l'interprétation. Ils suivent les patients. Ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Les sunnites, c'est juste ce milieu. Quand c'est clair qu'il n'y a pas besoin d'interpréter, il faut prendre le sens comme ça. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه فيها تأويل ما فيها تأويل واضح. كم بعد ما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت صحيح لأن تهدي كلامه ل ل ل porc ل sang ل la viande ce qui n'est pas égorgé là il y a pas besoin d'interpréter c'est clair et des fois il faut interpréter parce qu'il y a des règles c'est pas comme ça c'est pas arbitraire là c'est avec le tahakkum c'est des règles donc il y a des règles précises. إذن هكذا أهل السنة ليس المعتزلة وليس المتطرفين المشبه المجسمة السنين سيبا ليس إكستريميس وهابيت مشبهة ني لمعتزلة aussi c'est juste mieux c'est suivre des règles précises c'est pas arbitraire c'est pas la vie personnelle. إذن هكذا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين مزال شوية إذن ما شاء الله يعني قريب يعني نصد الأيام تمر فالإنسان عليه أن يغتنم فرصة رمضان فرصة عمر ما يعرفش الإنسان هل يبقى حي رمضان فيغتنم وينساش الدعاء في الإفطار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم لك صمت على رزقي أفطرت بك وبك أمنت عليك توكلت ويدعي مش غير يشرب ويدعي ثم ناس هاي غير يفكر في الباكلة عندنا التعليقات من بعيد ما شاء الله مذيعة باش نحطوها معلق الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر امين دونك انا ديون نو نوبي با لي دعاء كونت اون رام لو جون انغورجيت في الدعاء انغورجيت في الدعاء سي با هي انا اون ما دون جلي وا اون ساي غوش دروات سي بون رمضان سي غوش دروات اي مونكي لي بيي Donc n'oubliez pas les doigts. Subhanallah, alhamdulillah.